traîne avec des têtes loups, un peu sociable et un peu fou. Tous tu vas te souvenir de nous, comme si t'avais vu le loup. Je traîne avec des têtes loups, un peu sociable et un peu fou. Je t'ai Y, mon flow te reste dans la tête. Pour qui carte vol raquette, ça te laisse pour des cagettes. Je mets tes max en Y, mon flow te reste dans la tête. Pour qui carte vol raquette, ça te laisse pour des cagettes. Facile de le dire, dur de le faire. Tu veux me test, prends RDV. Je te double en Honda X ADV. Mais j'aime tes yeux, tes joues de bébé. Moi je raconte tout sur CD. Je veux pas finir comme Jacques Mérine, comme Biggie ou Tupac Shakur. Quand je m'ennuie, j'envoie des rimes. Que je rafale, je suis jamais à court. Je passe au nord, je fais pas le héros. Je passe au sud, je fais pas le héros. Je passe en ville, je fais pas le héros. Et je vais aller képé en vélo. Cet été, je loue Lamborghini Urus. Avec mon déca des Russes. La Russe, pas Canal Plus. Fais gaffe si tu sociable.